بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ابن كثير رحمه الله تعالى a cité dans son livre البداية والنهاية plusieurs et de nombreux tremblements de terre qui ont touché la communauté musulmane jusqu'à son époque. Et ensuite, Ibn al-Jawzi, il a rajouté d'autres tremblements de terre qu'il y a eu par la suite. Et en réalité, quand on médite sur tous ces tremblements de terre qu'il y a eu, il y a en cela un rappel pour toute personne qui raisonne. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre « Inna fi khalqi s-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wal-nahar la ayatin li uli al-albab » Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre et les changements qu'il y a dans les jours et la nuit des signes pour ceux qui sont doués de raison. Dans tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, il y a des signes pour toute personne qui raisonne. Et les tremblements de terre font partie de la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de personnes interrogent aujourd'hui concernant les morts, concernant ceux qui sont morts par la cause du tremblement de terre, est-ce que ces gens sont des martyrs ou pas? La réponse, Al-Bukhari et Muslim, ils ont cité dans leur recueil respectif, Al-Sahihayn, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Shuhada ou Khamsa » Les martyrs sont au nombre de 5. « Al-Maf'oun » Al-Maf'oun, c'est-à-dire c'est celui qui est mort par la cause de « Al-Ta'oun » une épidémie. Ainsi que « Al-Mabtoun » Al-Mabtoun, c'est celui qui est mort par la cause d'un problème dans son ventre. Lui aussi il est martyr. Al-Ghariq, celui qui va mourir noyé. Sahibul Hadm, et donc celui qui va mourir par la cause donc d'un effondrement, un bâtiment ou autre. Et c'est d'ailleurs, les savants, ils font rentrer donc la personne qui meurt par la cause d'un tremblement de terre dans ce cas-là. Et enfin, il cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa shahid ou fi sabilillah, et celui qui est martyr dans le sentier d'Allah. Et donc les savants disent, concernant la personne qui meurt par la cause de tremblement de terre, on espère, inshallah ta'ala, que ces gens-là font partie des martyrs. On demande à Allah azza wa jal d'accepter donc les morts parmi les croyants, ceux qui sont morts par la cause du tremblement de terre au Maroc, ainsi qu'en Turquie. Ce sont deux gros tremblements de terre qui ont touché la communauté musulmane en peu de temps. Cependant, il est important, Sharqa Barakallahu Fikum, qu'on parle aussi des vivants. Les vivants, des personnes qui viennent de ces pays-là, qui ont été touchés par les tremblements de terre, ainsi que les autres qui ne viennent pas de ces pays-là, comme nous, c'est-à-dire ceux qui n'y sont pas actuellement, ou alors d'autres pays encore. Mais toutes les personnes qui ont eu cette information qu'il y a eu un grand tremblement de terre au Maroc. Que dire de toutes ces personnes? Et qu'est-ce qui est recommandé ou obligatoire les concernant? C'est ce que j'aimerais aborder avec vous, Inch'Allah ta'ala. Et il y a pour cela un écrit de l'imam Ibn Baz, sur lequel on va s'appuyer ce soir, Inch'Allah ta'ala, un conseil à la communauté musulmane concernant les tremblements de terre. Il dit, rahimahullah, « Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa mani ihtada bihudahu amma ba'd. » Toutes les louanges reviennent à Allah, ainsi que les éloges et le salut soient accordés au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que à sa famille et ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis, tous ceux qui ont suivi sa guidée jusqu'au jour de la résurrection à Mabah. فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره كما أنه حكيم عليم فيما شرعه وأمر به. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est sage, savant concernant ce qu'il décrète et détermine. De la même manière qu'il est sage et savant concernant ce qu'il a légiféré et ce qu'il a ordonné. Et donc il est important, premièrement, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on se rappelle que le tremblement de terre fait partie du décret et du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le tremblement de terre, Allah l'a créé. Il fait partie des créatures d'Allah. Et Allah azza wa jal est celui qui dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ». Certes, nous avons créé toute chose avec une prédestination. Et donc le tremblement de terre fait partie du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'arrive pas comme cela, soudfa, subitement, sans que personne ne sache. Nous les êtres humains, on ne sait pas. Parce que notre science est limitée. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est le sage, le savant, celui qui connaît toutes choses. Et qui fait toutes choses avec sagesse. Et donc le premier point, c'est que les serviteurs se soumettent au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parfois certains vont se plaindre, mais pourquoi nous? Pourquoi si? Pourquoi ça? Le premier point qu'on doit apprendre, c'est à se soumettre au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le décret universel, c'est-à-dire ce qui peut nous arriver dans nos affaires mondaines, la maladie, tremblement de terre, perte d'argent, etc. Ou alors les décrets religieux. C'est-à-dire ce que Allah nous a ordonné et ce qu'il nous a interdit. Nous devons être satisfaits de tous les décrets d'Allah, religieux ou mondains. Car Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qui est bien et ce qui est bon pour ses serviteurs. Vous allez me dire, avec un tremblement de terre, 1000 morts, bon pour ses serviteurs? Non. Allah sait ce qui est bon pour ses serviteurs. Nous, on ne sait pas. Mais Allah tabaraka wa ta'ala sait où est le bien pour ses serviteurs tabaraka wa ta'ala. Il dit le Cheikh Ibn Baz, « وَهُوَ عَزَّ وَجَلْ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْآيَاتِ وَيُقَدِّرُهَا تَخْوِيفًا لِعِبَادِهِ وَتَذْكِيرًا لَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّهِ وَتَحْذِيرًا لَهُمْ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَارْتِكَابِ نَهْيِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. Et donc, Allah Azza wa Jal, il crée ce qu'il veut parmi les signes. Des signes qu'il va déterminer pour faire peur à ses serviteurs. Et leur rappeler leurs obligations le concernant tabaraka wa ta'ala. Et les mettre en garde contre le polythéisme et contre le fait de contredire ses commandements tabaraka wa ta'ala et le fait de tomber dans ses interdits. Et donc Allah Azza wa Jal, par ces signes-là, il va faire peur à ses serviteurs. Il va leur montrer sa puissance. Rappelez-vous, durant le sermon, on a parlé du fait d'avoir peur d'Allah. Et que ça aide les serviteurs à obéir à leur Seigneur. On a besoin de ça. L'être humain, il va être négligent et va oublier ce point, le fait d'avoir peur de son Seigneur. Il a besoin de rappel, d'avoir peur d'Allah pour revenir. Les êtres humains vont tomber dans le péché, vont désobéir. Allah tabaraka wa ta'ala va leur envoyer un signe pour leur montrer qu'il est le Tout-Puissant et qu'il fait ce qu'il veut et que la mort vient saisir à n'importe quel moment, afin que ses serviteurs reviennent à son obéissance tabaraka wa ta'ala, comme il le dit Allah Azza wa Jal, « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا » Et nous n'envoyons les signes que pour faire peur. Dans Sourate Al-Isra, il dit aussi Allah tabaraka wa ta'ala, « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous allons leur montrer nos signes dans tout horizon. Et nous allons leur montrer nos signes aussi en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement qu'il est la vérité, el-haq. N'est-il pas suffisant par ton Seigneur, n'est-il pas suffisant qu'il est témoin de toutes choses? Et il dit aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. Dit, il est celui qui est capable d'envoyer vers vous un châtiment venant d'au-dessus de vous. Ou alors, un châtiment venant d'en dessous de vous. Ou alors de vous diviser et de vous faire goûter les uns le mal des autres. Et de faire goûter aux uns d'entre vous le mal des autres. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il est le tout miséricordieux, mais il punit aussi ses serviteurs. D'ailleurs, la suite du verset que le cheikh Ibn Baz a cité ici, à la suite du verset, Allah Azza wa Jal, après nous avoir cité ce châtiment qui vient du ciel ou d'en dessous de nos pieds, il dit tabaraka wa ta'ala, unzur kayfa nusarrifu al-ayat. Regarde comment nous envoyons les signes, ce que nous faisons des signes, la'allahum yafqahoun, afin qu'ils comprennent. On a besoin de comprendre, ô chers frères, qu'on doit obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Trop de péchés, trop de désobéissance, trop de personnes qui délaissent les obligations, trop peu de personnes dans les mosquées. Je vais leur dire encore, je l'avais déjà dit précédemment, un des événements qui m'a beaucoup attristé cette année, c'est lorsque j'ai vu l'accueil que nos frères marocains ont accordé à l'équipe nationale du Maroc de football. On aurait dit qu'on avait gagné quelque chose religieusement, que mashallah. Est-ce que ça nous a été profitable? Est-ce que c'est ça qui nous est profitable? Est-ce que c'est ça dont on a besoin? Et aujourd'hui, le problème, vous savez quel est le problème? Tous les pays musulmans veulent faire comme le Maroc. Nous aussi, on veut être vus à la Coupe du Monde. Nos frères algériens, on a une équipe meilleure que le Maroc. On va faire meilleur qu'eux, Inch'Allah. Nos frères sénégalais, on est les anciens champions d'Afrique. Ou encore, je ne sais pas exactement. On va faire meilleur qu'eux. Voilà les objectifs que nous avons. Mes frères, on a besoin d'un bon rappel. On a besoin d'un bon rappel. Car là, Azza wa Jalla, il nous montre sa puissance. Qu'il nous montre qu'on doit se réveiller. Et remplir les mosquées au lieu de remplir les stades et les cafés. Il dit le cheikh Ibn Baz rahimahullah. Déjà, excusez-moi avant, parfois certaines personnes, ici et surtout aussi en Martinique, on a beaucoup de tremblements de terre. On en a beaucoup. C'est un rappel pour nous. Mais est-ce qu'on le voit comme un rappel? Subhanallah, parfois il y a des tremblements de terre, les gens sont en train de rigoler. Et parfois certains vont se moquer de ceux qui ont peur. Oh, il a eu peur. Un petit tremblement de terre, il a eu peur. Ah, subhanallah. Et tu ne sais pas que ceci est un avertissement, que Allah Azza wa Jal peut faire qu'un gros tremblement de terre vienne après ce petit. On doit craindre Allah Azza wa Jal. C'est un rappel pour nous, les frères. Ce qui est arrivé au Maroc, c'est un rappel pour tous les musulmans. C'est pas un rappel que pour les Marocains. C'est un rappel pour tous les musulmans. C'est arrivé en Turquie, au Maroc. Est-ce qu'il y aura un troisième pays encore? C'est un rappel pour tous les musulmans. Le cheikh Ibn Baz dit, rahimahullah, وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il cite dans son sahih, d'après Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah a fait descendre sa parole, qu'ul huwa al-qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum, il est celui qui est capable de faire descendre sur vous un châtiment qui vient d'au-dessus de vous. Le prophète, il a dit, a'ouzou biwajlik. J'implore la protection de ta face, de ton visage, ô Allah. A'ou min tahti arjulikum. Ou un châtiment qui vienne d'en dessous de vous. Il a encore dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'implore la protection de ton visage, ô Allah. Et donc il est recommandé, barakallahu fikoum, d'implorer la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'on voit cela. Recommandé d'implorer, d'invoquer Allah azza wa jal. Est-ce qu'il y a une invocation spécifique concernant les tremblements de terre? Aucun hadith authentique. Il n'y a pas un hadith authentique qui nous dit lorsque la terre tremble, dites ça. Pas de hadith authentique. Par contre, les textes nous montrent l'importance d'invoquer Allah Azza wa Jal, d'implorer son pardon, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Wa rawa Abu Shaykh al-Asbahani an Mujahid fi tafsiri hadhihi al-aya. Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adhaban min fawqikum. قال الصيحة والحجارة والريح أو من تحت أرجلكم قال الرجفة والخصف. Et donc Abu Sheikh al-Asbahani, il rapporte d'après Mujahid, un des grands savants du tafsir. Mujahid donc il dit que dans le tafsir de ce verset, et donc un châtiment qui vient d'au-dessus de vous, il dit le cri, donc un cri très puissant que Allah tabaraka wa ta'ala a déjà utilisé pour dévaster les peuples précédents, ou alors des pierres qui viennent du ciel, ou alors un vent terrible. Tous ces signes-là ont déjà été utilisés concernant les communautés précédentes. Ou alors un châtiment qui vient d'en dessous de vous. Il dit Mujahid, un tremblement de terre. Tremblement de terre, ou alors donc un éboulement. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on se rappelle qu'Allah est capable de nous punir pour nos péchés. Une punition qui vient du ciel ou d'au-dessus de la terre, du ciel ou de en dessous de nos pieds. Et donc qu'on revienne à l'obéissance de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, qu'on le craigne. L'être humain se sent trop à l'abri. Ça arrive aux autres et pas à moi. C'est étonnant de voir que certaines personnes ont vu, wa alaykoum assalam wa rahmatoullah, certaines personnes ont vu ce qui s'est passé au Maroc, et que dans la même journée, on puisse encore tomber dans des kabaïrs, des grands péchés. Mais comment ça? Tu vois tes frères dans une épreuve lourde et difficile, une épreuve venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu te sens à l'abri toi ici en Martinique? Tu te sens à l'abri? Avec tous les péchés qu'il y a ici, on se sent à l'abri du stratagème d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il continue, le cheikh, il dit, وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا حَصَلَ مِنَ الزِّلْزَالِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فِي جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَاتِ الَّتِي يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ. Et il n'y a nul doute que ce qui s'est produit, les tremblements de terre qu'il y a eu ces jours-ci à plusieurs endroits fait partie des signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala utilise pour faire peur à ses serviteurs. وَكُلُّ مَا يَحْدُثُ فِي الْوُجُودِ مِنَ الزِّلْزَالِ وغيرها مما يضر العباد ويسبب لهم أنواعا من الأذى كله بأسباب الشرك والمعاصي. سبحان الله. Il dit le Cheikh Ibn Baz, et tout ce qui arrive ici-bas, parmi les tremblements de terre et autres événements qui vont faire du mal aux serviteurs et causer leur tort, tout cela vient du polythéisme et des péchés. Tout cela vient du polythéisme et des péchés. Combien de sidis sont adorés dans les pays musulmans? On en a combien des tombes qui sont adorées dans les pays musulmans? Combien de péchés nous avons? Et le cheikh cite les preuves. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Il n'y a donc tout mal qui va vous toucher. Tout mal qui va vous toucher vient de ce que vous avez accompli et Allah pardonne beaucoup. Tout mal qui vous touche vient de ce que vous avez fait et Allah pardonne beaucoup. Et il dit aussi tabaraka wa ta'ala, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Le bien qui te touche vient d'Allah et le mal qui te touche vient de ta propre personne. Il dit cela à son propre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de nous-mêmes? Il continue, le cheikh nous dit, wa qala ta'ala anil umam al madiya. Allah ta'ala dit concernant les communautés précédentes, wa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Chacun d'entre eux, nous les avons saisis à cause de leur péché. À cause de leur péché. Et donc il y en a certains parmi eux sur qui nous avons envoyé un châtiment douloureux qui est descendu du ciel. Il y en a d'autres qui ont été saisis par un cri. Il y en a d'autres qui furent péris, qui ont péri à cause de... Donc, d'un éboulement, excusez-moi. Et il y a d'autres qui furent noyés. Tout cela à cause de leur péché. Et Allah ne leur a pas fait d'injustice. Mais ils furent eux-mêmes injustes envers leur propre personne. Et donc, au Shafia, il est obligatoire de mettre en garde contre le polythéisme et contre les péchés. Aujourd'hui, lorsqu'on va mettre en garde contre le polythéisme, et toutes les formes de polythéisme, telles que l'adoration des tombes, ou la sorcellerie, qui fait partie du polythéisme aussi, ou d'autres. Certaines personnes, par ignorance, vont dire « Non, non, non, il ne faut pas mettre en garde, ça va diviser les gens, etc. Ça divise la communauté. » Mais on ne comprend que trop tard. On ne comprend que trop tard. Que ce polythéisme qu'il y a chez ceux dans la communauté musulmane, chez ceux qui s'affilient à l'islam, est un grand danger pour nous. Une cause de punition. Et donc nous devons nous réveiller. Nous devons tous mettre en garde contre le polythéisme qui fait du mal à nos pays. Contre les péchés qui font du mal à nos pays. Prévenir nos proches, prévenir nos familles. Voilà la solution pour être préservé ici-bas et dans l'au-delà. Il dit le cheikh Ibn Baz, fal wajib ala jami' al mukallafin min al muslimin wa ghayrihim at tawbah ila Allah. Et donc ce qui est obligatoire à tous ceux qui sont responsables. Responsables, al baligh, hein, à partir du moment où il a atteint la puberté, qu'il est doué de raison, eh bien, il est obligatoire à tous ceux qui sont responsables parmi les musulmans et les autres de se repentir à Allah. Wal istiqamatu ala dinihi, et de suivre la droiture dans sa religion. pas droite, gauche, allez, on fait une exception là-dessus, ça je prends, soit je prends pas, ça je prends. Comme quand tu vas au marché, tu vas faire tes courses au Leclerc, tu prends ça, non, ça c'est trop cher, je prends pas, ça je prends, ça je prends pas. Ne fais pas ça avec ta religion. Avec la religion, tu prends pleinement. Allah t'a pas donné le choix. Il t'a pas donné le choix sur 5 salats. Il t'a dit les 5, il faut les faire. Et les 5, il faut les faire comme ça. Tous les piliers, ils sont comme ça, les piliers de l'islam. Ça. Et tu as ça aussi comme obligation. Il ne nous a pas donné le choix. Et donc, prenons pleinement la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa kadhalika, donc le cheikh, il continue. Wa yajibu al-hadar. Il est obligatoire de se méfier de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, tel que le polythéisme et les péchés. Afin que les gens puissent être préservés et avoir la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala repousse de toute épreuve, tout mal, wa yamnahahum kulla khair, et qu'Allah leur accorde tout bien, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans son livre, walaw anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Si seulement les gens des cités avaient eu la foi et la crainte. La crainte d'Allah avait obéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Si les gens des cités avaient fait cela, alors nous leur aurons ouvert les portes des bénédictions des cieux et de la terre. Cependant, ils ont traité cela de mensonge. Alors nous les avons saisis pour ce qu'ils ont accompli. Et dit tabaraka wa ta'ala, walau annahum aqamu at-tawrat wal injil wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Et donc il dit, concernant les gens du livre, si ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile, et ce que nous avons fait descendre, et ce qui est descendu sur eux, venant de leur Seigneur, alors là, ils auraient mangé, donc, d'au-dessus d'eux et d'en dessous de leurs pieds. Ils auraient eu énormément de subsistance venant d'au-dessus d'eux et en dessous d'eux. Et donc si on veut être préservé, si on veut qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve ici-bas et dans l'au-delà, on doit lui obéir. Et délaisser ses péchés, délaisser ses futilités, délaisser toutes ces choses qui ne viennent pas de chez nous, qui ne viennent pas de notre religion. Wallah, les frères, c'est attristant de voir comment les cœurs des musulmans sont accrochés au football aujourd'hui. C'est attristant. Comme si la réussite se trouve dans ce sujet. Il dit tabaraka wa ta'ala, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Les gens des cités se sentent-ils à l'abri? Se sentent-ils préservés que notre châtiment vienne à eux de nuit alors qu'ils dorment? Et wa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Est-ce que les gens des cités se sentent à l'abri du fait que notre châtiment vienne à eux le matin alors qu'ils jouent? J'ai appelé un frère du Maroc concernant ce qui s'est passé. Je lui dis, alors, comment ça va? Il m'a dit, au moment où c'est arrivé, j'étais sur le balcon en train de prendre mon café. Alhamdoulilah, chez nous, ça va, il n'y a rien. Tu peux être là tranquille sur ton balcon, tu prends ton café, t'es là. Posé chez toi, sécurité, rien. Mais le châtiment, il vient te chercher là où tu es. Et donc, il est important qu'on se réveille, qu'on se prépare pour la mort. Lorsque le tremblement de terre, il arrive, c'est là que tu vas te préparer pour la mort? Non, là, c'est trop tard. Il faut se préparer à chaque instant. Chaque instant dans notre vie, nous devons nous préparer à partir. Tu ne sais pas si aujourd'hui, tu vas sortir vivant de cette mosquée. Il se peut que tu sortes de cette mosquée, c'est des frères qui te portent. أفأمنوا مكر الله se sont-ils préservés, se sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Les seuls à se sentir à l'abri du stratagème d'Allah sont les peuples perdants. Et donc beaucoup de personnes, ils vont appeler, prendre des nouvelles de leurs frères du Maroc, comme je viens de le citer. Et c'est bien qu'on prenne de leurs nouvelles. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, dans ce genre de difficultés, dans ce genre d'épreuves, ils vont chercher à rassembler aussi de l'argent pour aider ceux qui sont dans la difficulté. Et ça aussi, c'est très bien. C'est quelque chose de très profitable. Cependant, est-ce que nous pensons à délaisser les péchés ? Et à dire aux gens de délaisser les péchés et de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Si nous voulons être préservés. Il continue le cheikh Noubel. Il nous dit, قال العلامة ابن القيم رحمه الله ما نصه قد يأذن الله تعالى للأرض في بعض الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلزال العظام فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله تبارك وتعالى والندم كما قال بعض السلف وقد زلزلت الأرض إن ربكم يستعتبكم إذ ابن القيم رحمه الله Il se peut qu'à un certain moment, Allah tabaraka wa ta'ala permette à la terre, fasse que la terre tremble. Et à ce moment-là, lorsque la terre tremble, lorsqu'il y a de grands tremblements de terre, cela va faire que les serviteurs auront peur d'Allah, vont le craindre, vont revenir repentant vers leur Seigneur tabaraka wa ta'ala en délaissant les péchés. Et donc c'est un bien. C'est un bien que les serviteurs reviennent vers leur Seigneur en délaissant les péchés. Ils vont se soumettre à lui, tabaraka wa ta'ala, et regretter ce qu'ils ont accompli, comme cela a été rapporté de certains des plus prédécesseurs lorsqu'il y a eu un tremblement de terre. Inna rabbakum yasta'tibukum. Certes, votre Seigneur vous pousse aux causes de sa satisfaction. Votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, par ce tremblement de terre, il vous amène à revenir vers son obéissance, à délaisser les pertes de temps dans les cafés, à délaisser les pertes de temps dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ces gens qui ont vécu cela, après avoir vécu cela, revenir dans les péchés comme avant ? Tu réfléchis mille fois avant de retourner dans les stades, comme c'était le cas avant le tremblement de terre. Parce que c'est un rappel puissant. Et le problème, c'est que les autres musulmans qui voient cela, est-ce qu'ils peuvent utiliser cela comme rappel et revenir vers leur Seigneur sans que le tremblement de terre ne les touche eux aussi ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que le tremblement de terre touche tout le monde afin qu'on revienne ? Il continue Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit wa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa qad zulzilat al-Madina fa khatabahum wa wa'adhahum wa qala la in 'adat la usakinukum fiha intaha kalamuhu. Il continue Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit et certes Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre à Médine, il a fait un sermon, il a exhorté les gens. Il les a exhortés à délaisser les péchés. Et ensuite, il leur a dit, s'il y a un autre tremblement de terre ici, à Médine, je n'habiterai plus avec vous. Je pars. Il ne veut pas rester dans un endroit où les gens vont désobéir, à tel point qu'il y a des tremblements de terre, à tel point que de se faire châtier. Et donc, au chers frères, barakallahu fikoum, Regardez ça, c'est qui? C'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. C'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Malgré le courage que cet homme a, il a peur que le châtiment ne descende sur lui à cause de nombreux péchés. Et où sommes-nous de tout cela? Est-ce que nous, on a peur? Certaines personnes, comme on a dit, peuvent voir ce qui s'est passé au Maroc. Et malgré ça, rester, continuer les péchés. Écouter la musique, boire de l'alcool, etc., etc. Continuer les péchés, malgré ce grand rappel que nous avons tous eu. Ces personnes-là se sentent préservées du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala, se sentent à l'abri. Les tremblements de terre, ça les touche eux, ça ne peut pas nous toucher nous. On est sur une autre planète. Non, nous, chez nous, il n'y a pas de tremblement de terre. Alhamdoulilah, il n'y a pas. Et donc ils se laissent dans les péchés. Non, on ne peut pas avoir ni tsunami, ni tremblement de terre, ni rien, aucun châtiment qui vienne de terre ou des cieux, de la mer, rien du tout. Et donc, ils se laissent aller. Est-ce que c'est le cas? Ici, en Martinique, l'Escar, on sait très bien. Pourtant, c'est impressionnant. On a la montagne Pelée juste à côté. On a des tremblements de terre dans tous les sens. Tous les jours, ils nous disent, c'est à peu près, allez, si je ne me trompe pas, 50 tremblements de terre à peu près près de la montagne Pelée par jour. Les habitants ne ressentent pas, mais les appareils le ressentent, etc. Et nous, on est là, adi, normal. Normal, c'est pas grave les péchés, maalich. Et donc les frères, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on revienne, on s'entraide ensemble à revenir vers notre Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Il dit le Cheikh Moubez rahimahullah, fal wajibu inda zilzal wa ghayriha min al ayat wal kusuf wal rih al shadida wal fayadanat. البدار بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والضراعة إليه وسؤاله العافية والإكثار من ذكره واستغفاره كما قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. Et donc il dit le Cheikh Moubez, donc ce qui est obligatoire lorsqu'il y a un tremblement de terre, ou autre que cela parmi les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, tels que justement l'éclipse, ou alors un vent terrible, ou alors une inondation, ce qui est obligatoire, c'est d'accourir pour se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, revenir à son obéissance, se soumettre à lui, lui demander de nous préserver, et beaucoup implorer son pardon, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu une éclipse à son époque, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez cela, alors apeurez vers votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans le fait de l'invoquer et d'implorer son pardon. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa yustahabu aydan رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا. Et aussi il est recommandé lorsqu'il y a un tremblement de terre ou autre de faire preuve de miséricorde envers les pauvres et les besogneux dans le fait donc de leur donner l'aumône, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, faites miséricorde, il vous sera fait miséricorde, rapporté par l'imam Ahmed. Il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama. Le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites miséricorde aux habitants de la terre, celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man la yarhamu la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui est pas fait miséricorde. Rapporté par Al-Tirmidhi, wa ruwiya an Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, annahu kana yaktubu ila umara'ihi inda wujud al-zalzala an yatasaddaqu. Il a été rapporté de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, lorsqu'il y a eu donc des tremblements de terre, donc Omar qui était le gouverneur Omar ibn Abdel Aziz, qui était le gouverneur, il écrivait à tous ses responsables de donner des aumônes, de beaucoup faire d'aumônes durant cette période, donc de tremblement de terre. « Wa min asbabi al-afiyati wa salamati min kulli su al-mubadarati » مبادرة ولاة الأمور بالأخذ على أيدي السفهاء وإلزامهم بالحق وتحكيم شرع الله فيهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى. Et donc parmi les causes qui vont faire qu'on sera préservé, ici au chercheur, méditez, dans les pays musulmans, parmi les causes qui feront qu'on sera préservé de tout mal, il y a le fait que les gouverneurs, il y a le fait que les gouverneurs musulmans donc saisissent ceux qui vont être vils et semeurs de troubles et qu'ils leur imposent la vérité, que ces gouverneurs-là donc jugent avec la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant les injustes, qu'ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Le fait que les gouverneurs musulmans ordonnent le bien et interdisent le mal, cela va permettre de préserver la communauté musulmane. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Les croyants et les croyantes, certains sont les alliés des autres, ils ordonnent le bien, interdisent le mal. Ils appliquent la prière, ils s'acquittent de l'aumône, ils obéissent à Allah et à son messager. Oulaïka seyarhamuhumullah. Oulaïka seyarhamuhumullah. Cela, Allah leur fera miséricorde. Ils ordonnent le bien, interdisent le mal, accomplissent la prière, donnent l'aumône. Cela, Allah leur fera miséricorde. Inna Allah azizun hakim. Certes, Allah est puissant et sage. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala wa la yansuranna Allahu man yansuru. Allah va secourir ceux qui le secourent. Allah n'a pas besoin qu'on le secoure. Ce qui est voulu ici, c'est secourir sa religion, appliquer, respecter sa religion tabaraka wa ta'ala. Inna Allah qawiyyun aziz. Certes, Allah est fort et puissant. Alladina. Ah, écoutez bien ce passage. Écoutez bien ce passage. Je l'avais envoyé à tous nos frères qui ont des responsabilités concernant les musulmans. Ici le cheikh, il cite cela concernant les gouverneurs. Ici le cheikh, il cite ce passage du Coran concernant les gouverneurs. Mais il y a d'autres savants qui utilisent ce même passage pour toute personne qui a des responsabilités concernant la communauté musulmane. Gouverneur, responsable de mosquée, responsable de maraqib, etc., etc. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ceux que lorsque on leur donne autorité sur terre, ils appliquent la prière, s'acquittent de l'aumône, ordonnent le bien, interdisent le mal. Et donc si on veut être préservé aux chers frères, on ne peut pas laisser le mal comme ça se propager, on reste là en silence, on ne dit rien du tout. Hein? On ne peut pas laisser les innovations, on est là, on ne dit rien, ma'alish. On ne peut pas laisser le politisme, on est là, on ne dit rien, ma'alish. On ne peut pas laisser les péchés, on est là, on ne dit rien, ma'alish. Combien de fois j'ai conseillé à mes frères qui veulent jouer au foot. Ils veulent jouer au foot les samedis. Il n'y a pas de mal les frères, vous voulez jouer au football, vous voulez faire du sport, courir un peu, ça c'est du bien, on a besoin de faire du sport. Alhamdoulilah, tayyib. Attention à vos shorts. On n'a pas besoin de voir tes cuisses. Il est interdit aux musulmans de montrer ses cuisses à ses frères ou de regarder les cuisses de son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi t'es venu, t'es bien habillé. Mais il y en a un, il a un mini short. Toi tu vas jouer normalement? Non, il faut lui dire. ne faut pas dire c'est lui qui prend un péché. Non, toi aussi tu prends un péché. Toi aussi tu prends un péché. Et donc il faut qu'on fasse attention. Combien de personnes sont déjà mortes sur un terrain, que ce soit un terrain de basket ou un terrain de foot ou autre? Tu n'as pas peur d'être saisi comme cela sur ce terrain et de mourir comme ça en mini-charte? Parfois certains de nos messieurs disent aux gens, subhanallah, si aujourd'hui une personne meurt en mini-charte, un homme en train de jouer au football, il meurt en mini-charte comme ça. On va lui faire le lavage mortuaire. On va lui mettre son linceul. Et lorsqu'on lui met un linceul, on lui met un mini linceul. Un mini linceul. On le ramène comme ça à sa famille. Ils vont nous dire, mais c'est quoi ça? On va dire, ben, il a un mini. Il était vivant en mini short. On le met mort en mini linceul. Non, il faut respecter ça. Il faut respecter la législation. Mais quand on est vivant, il ne faut pas respecter. Il faut respecter que quand on est mort, Yanni. Et quand on est vivant, on fait ce qu'on veut. Et donc, on a besoin, les frères, on a besoin de revenir vers Allah, tabaraka wa ta'ala, de lui obéir et de délaisser les péchés. Et aussi, il dit, tabaraka wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et donc celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue. Il lui accorde une subsistance de là où il ne s'attend pas. Celui qui place sa confiance à Allah, Allah lui suffit. Et donc nous, on veut être préservés. On veut qu'Allah nous secoure. On veut qu'Allah nous facilite ici-bas. On doit le craindre, on doit lui obéir. On doit placer notre confiance en lui et délaisser toutes ses futilités. Il dit le Cheikh Ibn Baz, wal ayat fi hadha al-ma'na kathira, et les versets qui vont dans ce sens sont très nombreux, sont nombreux dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh là, il nous montre le fait d'aider les gens. Le fait là, on a des frères qui sont au Maroc, on a des frères, des sœurs qui sont dans une situation difficile, il faut les aider. Ils ont besoin d'aide. Ce qui s'est produit est un rappel pour nous tous, pour revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, à son obéissance, mais on n'oublie pas qu'on doit aider nos frères, nous devons nous aider mutuellement. Et donc il cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. Celui qui aide son frère, alors Allah l'aide, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama, wa man yassara ala mu'sirin, yassara allahu alayhi fi dunya wal-akhira, wa man satara musliman, satarahu allahu fi dunya wal-akhira, wallahu fi awni al-abdi, ma kana al-abdu fi awni akhihi, rawahu muslimun fi sahihihi. Et donc, ici encore le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui secourt le musulman et qui l'aide à se débarrasser d'une difficulté ici-bas, alors Allah tabaraka wa ta'ala va le secourir et l'aider. Et l'aider face à une difficulté dans l'au-delà. Et celui qui facilite à une personne qui est dans une difficulté, alors Allah le facilitera dans ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui tâche les péchés d'un musulman, alors Allah tabaraka wa ta'ala cachera ses péchés ici-bas et dans l'au-delà, et Allah tabaraka wa ta'ala aide le serviteur tant que celui-ci reste dans l'aide, dans le fait d'aider son frère, rapporté par Muslim dans son sahih, et les ahadiths qui vont dans ce sens sont nombreux. Et il finit le cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, et il nous dit, wallahu al-mas'oul an yusliha ahwal al-muslimina jami'an. Et c'est à Allah qu'on demande d'améliorer la situation de tous les musulmans. وَأَنْ يَمْنَحَهُمُ الْفِقْهَ فِي الدِّينِ. Et de leur accorder la compréhension de la religion. Regardez comme il fait le lien. L'amélioration de la situation des musulmans passe par la compréhension de la religion. Si on veut pouvoir faire ce que notre Seigneur nous demande, on a besoin de savoir ce que notre Seigneur nous demande. Si on veut pouvoir délaisser ce que notre Seigneur nous interdit, on a besoin de savoir ce que notre Seigneur nous interdit. Parfois, j'ai donné l'exemple de ceux qui vont faire du sport, qui vont jouer au football en mini-short. Beaucoup ne savent pas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Si tu lui montres les preuves, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça à Jabir ibn Abdillah, il a dit ça à un tel, etc., etc. Ah ouais, je ne savais pas. Allahul Musta'an. Beaucoup ne savent pas. Ils pensent que ils arrivent à la mosquée, ils montent les escaliers en mini-short, ils passent la porte, ils prennent quelque chose pour couvrir ses cuisses, et c'est bon. Dès que je suis sur le tapis là, je dois couvrir mes cuisses. Dès que j'ai passé le tapis, c'est bon. Beaucoup pensent que c'est comme ça. Que on ne doit couvrir nos cuisses que durant la prière. Non. Non, non. Non, non. Et donc, nous devons faire attention à ça et ne pas suivre le phénomène de mode. Il continue le cheikh, donc, et donc Allah est celui à qui on demande, donc, d'accorder la compréhension de la religion, d'accorder aux musulmans la compréhension de la religion, wa an yamnahahum al-istiqamata alayhi, et de leur accorder le fait de suivre la droiture en cela. Ça veut dire qu'à partir du moment où on apprend quelque chose, on apprend notre religion, on a besoin de l'appliquer. Parce que ce n'est pas tout d'apprendre. Tu peux apprendre, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est wajib, c'est obligatoire, ça c'est makruh, c'est détestable, ça c'est interdit. Tu as appris, mashallah, tu as assisté à un cours, tu as appris, tu ressors chez toi, mashallah, j'ai appris ça, ça, ça, ça, ça. Derrière l'application, 0 sur 10. C'est pas profitable. Donc c'est important qu'on cherche à apprendre notre religion et qu'on applique ce qu'on apprend. Et donc il continue son invocation, le cheikh Nouvez rahimahullah. Et donc, wa an yamnahahum al-istiqamata alayhi wa at-tawbata ila Allah min jami' al-dhunub wa an yusliha wulata amri al-muslimin jami'an. Et donc Allah Azza wa Jal, il donc leur accorde aux musulmans le fait de se repentir à Allah contre tous leurs péchés. Et que Allah Azza wa Jal améliore la situation des gouverneurs musulmans. Wa an yansura bihim al-haqqa. Et donc que Allah Tabaraka wa Ta'ala secourt la vérité par ses gouverneurs. Parce que le gouverneur, lorsqu'il est pieux, il va aider à la propagation de la piété dans son pays. Et de la même manière, lorsque celui-ci est pieux, il va aider à la diminution du faux dans son pays. وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى في عباده et qu'Allah تبارك وتعالى permette au gouverneur musulman d'appliquer son livre, ordonner le tawhid dans les pays musulmans, que les gens arrêtent d'adorer les tombes, que les gens arrêtent d'adorer les morts, que les gens délaissent la sorcellerie dans les pays musulmans. C'est un gros commerce dans les pays musulmans, la sorcellerie. Beaucoup, énormément de voyants, de sorciers. Pourtant, c'est contraire, totalement contraire à notre religion. Et donc, on a besoin ici, barakallahu fikoum, d'apprendre notre religion, de l'appliquer. Et il continue le cheikh Nouvez, rahimahullah ta'ala, wa an yu'izahum wa jami' al-muslimina min mudillati al-fitan. ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه et qu'Allah tabaraka wa ta'ala préserve tous les musulmans du mal qu'il y a dans les fitanes, dans les troubles et les insufflations du diable. Certes, Allah est celui qui est capable de faire cela. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Naam, ça se rappelle barakallahu fikoum de l'imam Ibn Baz rahimahullah. Elle se rappelle très important sur lequel on doit méditer concernant les tremblements de terre, car comme je l'ai dit aux chers frères, malheureusement aujourd'hui notre communauté, on est trop concentré sur les futilités, ce qui n'est pas profitable. On connaît mieux les joueurs de football qui sont partis jouer en Arabie Saoudite que les 10 compagnons promis au paradis. C'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est important qu'on rectifie cela, qu'on revienne voir notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, qu'on lui obéisse et qu'on passe plus de temps à la mosquée. à apprendre notre religion. Je vais arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas faire trop long. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.